Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement.